Le seul parti que j'avais à prendre pour avoir des nouvelles de maman était d'en attendre, car où l'aller chercher à Paris, et avec quoi faire le voyage? Il n'y avait point de lieu plus sûr qu'Annecy pour savoir, tôt ou tard, où elle était. J'y restai donc, mais je me conduisis assez mal. Je n'allais pas voir l'évêque qui m'avait protégé et qui me pouvait protéger encore. Je n'avais plus ma patronne auprès de lui, et je craignais les réprimandes sur notre évasion. J'allais moins encore au séminaire. M. Gros n'y était plus. Je ne vis personne de ma connaissance. J'aurais pourtant bien voulu aller voir Madame l'intendante, mais je n'osais jamais. Je fus plus mal que tout cela. Je retrouvai M. Venture, auquel, malgré mon enthousiasme, je n'avais pas même songé depuis mon départ. Je le retrouvai, brillant et fêté, dans toute Annecy. Les dames se l'arrachaient. Ce succès acheva de me tourner la tête. Je ne vis plus rien que M. Venture, et il me fut presque oublié Madame de Varan. Pour profiter de ses leçons plus à mon aise, je lui proposai de partager avec moi son gîte. Il y consentit. Il était logé chez un cordonnier, plaisant et bouffon personnage, qui, dans son patois, n'appelait pas sa femme autrement que Salopière, nom qu'elle méritait assez. Il avait avec elle des prises que Venture avait soin de faire durer, en pensant vouloir faire le contraire. Il disait, d'un ton froid et dans son accent provençal, des mots qui faisaient le plus grand effet. C'étaient des scènes à pâmer de rire. Les matinées se passaient ainsi, sans qu'on y songeât. À 2 ou 3 heures, nous mangeons un morceau. Venture s'en allait dans ses sociétés où il soupait, et moi, j'allais me promener seul, méditant sur son grand mérite, admirant, convoitant ses rares talents et maudissant ma maussade d'étoiles qui ne m'appelait point à cette heureuse vie. Eh, que je m'y connaissais mal, la mienne eût été 100 fois plus charmante si j'avais été moins bête et si j'en avais su mieux jouir.